Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Place au Gros, une série de Rémy Libowski-Douat réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a ces publicités récentes dans lesquelles on voit un bourrelet ou juste des corps qui nous ressemblent, des clips de rap avec cellulite apparente et des chanteuses qui s'affichent grosses et fières. Et puis il y a ce mot, grossophobie, qui devient familier et cet espoir qu'il pourrait y avoir peut-être de la place pour tout le monde. Alors pour commencer, les personnages. Une femme mobilisée, une chercheuse pionnière, une mannequin grosse, une créatrice de mode, un garçon en paix, une femme qui grossit, un médecin qui dit la vérité et des nageuses à leur aise. Ensuite, le décor. Des cultures du corps, des combinaisons, des astuces, des robes qui craquent, des ours, un poids d'équilibre, des régimes, du politique et de la piscine. Aujourd'hui, 4e épisode, la réunion a commencé. Je suis désolée, je vais être derrière vous. Je sais que c'est pas très agréable, mais là c'est une question technique plus qu'autre chose. J'ai fait une sorte de petit état des lieux un peu rapide de ce qui pouvait exister en France, et puis j'ai repris quelques éléments qui pouvaient exister à l'étranger. Juste pour vous Place expliquer au quelques termes que je vais utiliser. Aimer tous les corps. Donc, je vais parler des termes de surpoids et d'obésité. Alors, je vais utiliser un indice de masse corporelle. Alors, cette femme, on est bien c'est Solène Karoff. Elle est sociologue, et elle est presque seule en France à travailler sur l'obésité. Excepté les pages médicales, le sujet est un angle mort, en sciences sociales comme ailleurs. Alors ces femmes et ces hommes se réunissent pour justement en faire un sujet et devenir eux-mêmes sujets à part entière. Nous sommes en mars 2019, Quai de Seine à Paris, dans un pavillon du canal transformé en barge entièrement branchée. Le premier gros festival, organisé par le collectif Gras Politique, démarre pour un week-end. L'idée, c'est de se regrouper, entre gros, entre personnes sensibles à la question des gros, de débattre, de s'organiser, pour enfin politiser la question de la grossophobie. De calcul que c'était le poids divisé par la taille en mètres au carré. Et c'est comme ça que cet indicateur a été créé, voilà, pour faire en fait un indicateur statistique. C'est-à-dire que normalement, c'est un indicateur qui devrait rester uniquement au niveau des populations, c'est-à-dire général. L'objectif est de dépasser le body positive en se revendiquant d'un autre mouvement, le fat acceptance. Le mouvement body positive est né à la fin des années 90 aux États-Unis. Il s'agit à l'origine d'encourager les personnes grosses à s'accepter comme elles sont. Les réseaux sociaux ont joué un rôle catalyseur. Les figures populaires du mouvement, dont les photos sont likées plusieurs centaines de milliers de fois sur Twitter, sont grosses et heureuses, disent-elles. Mais en y regardant à deux fois, elles répondent au canon de beauté imposé par la norme. Progressivement, la charge subversive du body positive s'est désamorcée, rattrapée par le business et les marques. On plébiscite le corps gros, mais il doit être sexy et photogénique. Quand j'évoque le body positive, on me répond ici qu'il a fait du bien au départ. Les gros sortaient enfin du placard, n'étaient plus seulement un sujet médical. Mais en devenant mainstream, il a généré presque autant de complexes qu'une couverture de magazine féminin. Le body positive serait une injonction en plus à s'aimer, même quand c'est très difficile. Le fat acceptance, lui, ne revendique qu'une seule chose fondamentale, le respect. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, je propose que vous posiez un peu les questions et témoignages que vous avez pu voir. Ou si vous avez des hypothèses aussi d'explicatives, je suis preneuse. Ouais, vas-y. J'ai noté par truc. Merci beaucoup déjà parce que, il y a des choses que je savais déjà. Mais en fait, je me pose souvent en tant que médecin ta question. J'attends. Me posais pas mal de questions parce que moi j'ai vécu en Allemagne et ça m'a intéressé en fait la question de à quel moment on est jugé comme gros socialement. Je pense qu'en Allemagne le rapport au corps il est complètement différent. Il est vu comme quelque chose, le corps il est vu comme quelque chose de fonctionnel. Ils ont aussi la Freikörperkultur, donc qui est la question du le corps fonctionnel, le corps nu, c'est pas du tout la même chose. Et moi, ça m'est arrivé d'être en maillot de bain dans un lac et de me retourner et de voir une personne grosse et nue et de me dire, alors que moi-même je suis grosse, de me dire oh là, je suis surprise. Enfin, j'ai un peu, enfin, ça m'a rien en fait particulier, mais j'étais surprise. Et autour de moi, ce que les gens ont noté, c'était pas qu'elle était grosse, c'était que, oh là là, la pauvre, elle a des coups de soleil énormes. Et là, je me suis dit, ah oui, là, je réfléchis vraiment comme une Française qui a intégré que c'était mal, en fait. Et ma question, elle tourne autour de ça. Quelles sont les différences que tu as pu voir entre Angleterre, Allemagne, France? Les hypothèses que tu as sur ces causes-là, si elles sont juste sociologiques, si historiques Tout ça. Alors oui, il y a des différences entre les trois pays. Alors, il faut savoir que moi, au début, quand j'ai commencé à travailler sur ma thèse, ce qui m'intéressait, justement, c'était cette catégorie de surpoids, puisque c'était justement comprendre où commence la norme. Tu vois, vraiment le basculement du moment où on est jugé accepté par la société, le moment où on est jugé vraiment ça va pas, quoi. Alors, l'Allemagne est le pays où on bascule le plus tard. C'est-à-dire que clairement, les personnes en surpoids sont beaucoup plus acceptées qu'en France et en Angleterre. Contrairement peut-être à ce que certains peuvent penser, c'est l'Angleterre le pays où ça commence le plus bas, parce qu'en fait, le corps est beaucoup plus moralisé en Angleterre, l'alimentation est beaucoup plus moralisée, et donc ça veut dire que tout de suite, il y a une dimension immorale qui est associée au corps gros. Donc là, il y a une dimension vraiment de philosophie, en fait, des différents pays. L'Allemagne, effectivement, c'est un pays où, je pense que tu l'as très bien dit, c'est un pays où le rapport au corps est assez différent. Donc ça, il y a une dimension historique hein, très claire. Le rapport au corps, alors, c'est, tu disais fonctionnel, là, c'est, je suis assez d'accord avec toi. Et il y a une dimension aussi peu érotisée ou peu esthétisée. Mais en France, le corps, il y a une dimension qui est liée aussi à l'histoire des normes esthétiques françaises. Enfin, c'est pas bien d'être moche. Pour que je vienne de l'Espagne, après la guerre... La guerre civile, quelqu'un qui était en surpoids, même obèse, c'était bien vu parce que tu avais quelque chose à manger. Même les femmes. Non, surtout les femmes. Parce qu'ils n'avaient pas des hommes, parce qu'ils ont été tous tués dans la guerre. Mais je me souviens, là j'ai 41. Donc ma grand-mère doit avoir, quoi, 95. Pour elle, c'est vrai qu'elle a vécu, mais pour elle, une femme mince, c'était une femme malade. Je suis désolée, c'est passionnant, mais il va falloir qu'on s'arrête. Désolée, merci. Ok, tout seul. Merci. Tant mieux. N'oubliez pas la chanson de la politique en battant. Revenez, laissez la trompe. Je sais pas combien tu pèses. Je pèse actuellement, je pense, 115 kilos. Ouais. Moi, je fais 105 kilos. On échange des souvenirs d'enfance. Dans un coin, une jeune femme raconte sa séance de yoga, un cours de yoga où les participants se disent acceptés, jamais jugés, libres d'être gros sans culpabiliser. Des femmes et quelques hommes échangent à bâton rompu, tout y passe. L'enfance, la sexualité, les violences médicales. Partout, le téléphone portable est omniprésent. On partage une vidéo, un tweet, un post. Les réseaux ont joué un rôle fondamental dans la construction d'une communauté. Au départ, sur les blogs et les réseaux sociaux, on s'échange des tuyaux. Comment s'habiller dans un monde qui considère que la norme est un petit 38 et qu'une femme qui porte du 42 est grosse? Les femmes que je croise font entre 50 et 60. Parmi elles, Gaëlle Prudencio. C'est une figure de la mode plus size, c'est-à-dire de la mode grande taille. Aujourd'hui, les femmes qui sont sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux, qui postent leurs photos, je suis super contente de voir toutes ces jeunes filles qui ont entre 16 ans et 20 ans, qui parlent body positive, je peux porter un crop top, etc. Elles vivent dans une époque merveilleuse où elles ont juste à cliquer pour aller trouver ce qu'elles cherchent. Mais à l'époque, il y a 10 ans, il fallait vraiment faire preuve d'ingéniosité. Et on se retrouvait dans des cafés où on faisait du troc. Moi, j'avais la chance d'avoir mon frère qui vivait aux États-Unis, donc il vit toujours. Du coup, je passais des commandes en ligne. Je les faisais livrer chez lui, il me les envoyait ici. Donc, je faisais un peu partie de celles qui avaient les super belles pièces, en fait. Et avec tout ça, ben, c'est comme ça que j'ai découvert aussi que grosse et belle n'étaient pas antinomiques et qu'on pouvait avoir ça dans les mêmes phrases. Et du coup, j'ai commencé comme ça, à découvrir ce qu'on appelle une communauté. Et moi, je revendique cela. J'ai pas de problème avec le fait de dire que j'appartiens à la communauté plus size, à une communauté grosse ou à la communauté noire, afro, etc. C'est parce que je trouve que c'est ce qui m'a porté et qui me porte encore aujourd'hui. Big girl, you are beautiful. Deux tests micro. Ouh ! Ah non, pardon, excusez-moi. Ah, je peux tout faire, hein. Bon, alors je m'appelle Stéphanie Zwicky. Il y a des visages que je reconnais et ça me fait plaisir. Merci d'être venue à cette rencontre. C'est une première pour moi. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vais faire un petit peu mon historique, mon passé. Donc je suis suisse, je suis née en Suisse et j'ai vécu en Suisse la majorité de ma vie. Quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit « Paris, capitale de la mode ». Donc je suis allée fièrement dans les boutiques parisiennes et j'ai commencé à demander ma taille. Quelle surprise ! Qu'est-ce que je n'ai pas demandé ? Je fais un 48 en Suisse, je fais un 50 en France. Voilà. Je ne savais pas que ça faisait ça en arrivant à Paris, mais oui, c'est ça, on prend déjà une taille. Et j'ai remarqué qu'à Paris, la mode avait une taille. Et moi, je n'ai pas été habituée à ça. Je suis née dans la mode, j'ai été baignée, j'ai été overdosée de mode grâce à ma maman. Une passionnée de mode. Elle avait une pièce entière remplie de beaux vêtements. Donc cet amour de mode, pour moi, elle était sans limite. J'ai toujours réussi à m'habiller. En Suisse, beaucoup de marques vont jusqu'au 48-50. Mais à Paris, j'hallucinais. Je dis non, attendez, je vais faire cette boutique, je vais faire une autre boutique. Ça, je ne trouvais rien. Je me suis sentie mais brimée. Donc je suis allée sur Internet. Ça a été... Ouais, pour moi, si Internet n'avait pas existé, je ne serais pas celle que je suis. Je me suis inscrite sur un forum qui s'appelait Vive les Rondes à l'époque. Alors, il fallait inscrire un pseudo. Alors, je ne trouvais pas. Grande mode, c'était nul. Big mode, encore pire. Big beauty. Donc, j'ai écrit Big beauty. Et on devait mettre une petite ligne en dessous pour se décrire. Et j'ai écrit le style n'est pas une taille, mais une attitude. Je comprends avec Stéphanie Zwicky et Gaëlle Prudencio que le vêtement est moins futile qu'il n'y paraît. Il a joué un rôle fondamental de réappropriation du corps. Et Internet a servi de courroie de transmission. Stéphanie Zwicky est suivie par 76 000 personnes et Gaëlle par 41 000 personnes. Leurs posts sur Instagram dépassent largement le seul domaine de la mode. Elles sont comme elles sont, dans la vie et sur les réseaux, et entraînent avec elles des milliers de jeunes filles en quête d'affirmation. Des filles se sont dit à me dire merci, mais vraiment, avec des messages remplis d'émotions, et ça m'a touchée. J'ai dit, mais c'est que de la mode. Mais on m'a dit, mais c'est bien plus que de la mode. Tu nous ouvres une porte bien plus grande que juste de la mode, Stéphanie. C'est une liberté. C'est une liberté. Tu ne nous parles pas de taille. Tu ne nous parles pas de maladie. Tu ne nous parles pas de code. Et pour elle, c'était nouveau. Les filles sur le web ont dit « Non, on ne veut plus des vêtements que vous nous proposez. On veut plus. » Je me suis dit « Waouh !» Enfin, je me suis retroussée les manches et j'ai dit « Je vais faire des vêtements que j'ai envie de porter. » Et je m'y suis tenue. Première robe que j'ai proposée, une robe à froufrou. Et là, les stylistes m'ont regardé. T'es sûre? Ah, ça rajoute la matière. Je disais chaque fois aux stylistes, arrêtez, enlevez-vous cette idée de la tête qu'on veut paraître plus mince. Non, on s'en fout. On veut des vêtements dans lesquels on se sente bien. Une robe à foufou, on en voit partout maintenant. Je veux la mienne pour la saison qu'on va sortir. Je veux la mienne. Et attention, qu'est-ce que j'ai demandé? Une combi. Ah bon? Et tu veux quoi? Avec des pans qu'on ferme comme ça pour cacher? Non, je veux. On voit bien les fesses, tout ça, je veux une combi. Ah bon, elle a fait noir alors? Bon, ben, ok, noir, mais je veux ma combi. J'ai eu ma combi. Et ils ont eu peur. Il faut dire ce qu'il faut dire. C'est quand même un investissement de la part d'une marque. Et ça a fonctionné. Les filles, elles étaient contentes de pouvoir acheter en France une pièce qu'elles voyaient tendance, pas obligées d'aller en Angleterre ou aux États-Unis. Je me souviens, premier shopping à Londres, j'en ai pleuré. Toutes les boutiques où je rentrais, je m'achetais un truc. Je suis revenue, j'avais plus de bras, tellement que j'avais acheté des trucs. Je ne te rends pas compte? J'ai trouvé ma taille partout. C'était un truc de fou. J'y croyais pas, vraiment. Mais même, vous allez en Allemagne, je sais pas si vous êtes déjà allé en Allemagne, les grands, ils ont pas de problème là-bas. Et tout est plus grand. Ah ben non, tu fais un petit 46. Non, je fais un 50 d'habitude. Non, chez nous, tu fais un 46. Ok. Bon. Mais c'est comme aux États-Unis, tu vois. La première fois que je suis allée aux États-Unis, ça a été, mais oh, you're not fat, you're just chubby. Ok. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Ah, tu sais, quand j'ai dit que j'étais grosse, elle me dit « Ah, mais non, t'es pas grosse, t'es juste chubby. » Ok, chubby. Et voilà. Et la taille 2 me va. La taille 2. C'est génial. C'est la première fois que j'ai qu'un chiffre dans ma taille. Moi, ça a dû arriver, j'avais 6 mois, quoi, tu vois. C'est impressionant, ok. I'm size 2, you know. Je suis... comme je suis. Je ne m'excuse de rien. Je ne m'excuse pas d'être grosse. Je suis comme ça. Ça changera ou ça ne changera pas, mais je suis comme ça. Et ce n'est pas le fait que je sois en surpoids qui me définit. J'ai plein d'autres choses à l'intérieur qui fait que je suis ce que je suis. Je ne veux plus me justifier de mon physique. Stop ! J'en ai vraiment marre. Je suis grosse. J'ai un gros ventre. J'ai un gros cul. J'ai des grosses cuisses. J'ai de la cellulite. Mais c'est comme ça. Si ça vous plaît pas, bah allez regarder ailleurs. Il y a quelques années, il y a une seule chose que je trouvais Enzo. Je trouvais agréable dans mon corps, c'était mes yeux. Quelque chose qu'on me disait souvent en plus, donc voilà, enfin, et donc c'était je me raccrochais à ça, c'était j'ai de beaux yeux, mais alors le reste tout est acheté quoi. Et progressivement ça vraiment ça s'est renversé. Enfin, aujourd'hui, j'ai plus de problèmes à dire que mon corps me convient. Le fait d'être en paix avec moi-même, en fait, c'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire de se dire, je me dégoûte plus aujourd'hui, clairement, alors qu'avant, il y avait un vrai sujet. Ça se voyait dans les vêtements aussi. J'ai vécu toute mon adolescence à être habillé en noir, tout le temps, des trucs sombres. Et là, en fait, il y a quelques... C'est venu progressivement, mais il y a 3-4 ans, j'ai tout envoyé chier dans ma garde-robe, je mets des trucs colorés, j'ai rien à foutre, enfin, je me sens plus à l'aise avec des polos un peu sympas. Et c'est un changement qui, je pense, atteste aussi que je suis plus à l'aise avec ça, j'ai plus forcément envie de me cacher. Toute l'image, toute la société m'a envoyé une image de parasite, de limace obèse qui se traînait et qui ne pouvait à aucun moment être désirable d'aucune manière. Donc jamais ça m'avait effleuré l'esprit à un moment de pouvoir plaire à quelqu'un. Ça a été très présent chez moi pendant des années, l'idée que de toute façon c'était impossible. D'une part que c'était impossible et que même les signaux que parfois on pouvait m'envoyer pour me dire que... je pouvais plaire éventuellement, j'y croyais pas. Je considérais que c'était pour la blague ou c'était quelqu'un qui voulait se moquer de moi. Et la première relation, vraie relation que j'ai eue, c'était un premier mec qui a mis un peu de temps à déconstruire ça en me disant « Non, tu me plais vraiment parce que... » Enfin, voilà. Et quand l'histoire s'est terminée, j'ai remis beaucoup, beaucoup de temps à imaginer qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était ben, c'est l'exception, en fait. C'est impossible. Il n'y a que lui qui... En plus, c'était un peu particulier parce que lui aussi était assez jeune et il se considérait pas comme étant quelqu'un qui aime que les gros, par exemple. Il était plutôt sur une idée qui peut parfois faire du mal aussi, de c'est pas le corps qui m'intéresse, c'est qui tu es, ta personnalité, etc. Mais qui est quelque chose qu'on nous renvoie de temps en temps au gros, et on est là à se dire oui, ben, normal, mon corps, jamais tu pourras l'aimer, donc tu me fais un compliment sur le fait que je suis drôle, qu'on a des choses à raconter, qu'on a des discussions jusqu'au bout de la nuit, parce qu'en fait, c'est pas mon corps qui t'intéresse, quoi. Alors comment vous sortez de ça ? Oula, ça a mis beaucoup de temps, et puis ça fait pas si longtemps que ça que je suis sorti de ça, mais... Puis parfois c'est encore un peu fragile, mais... non, on sort de ça grâce à la communauté BER, notamment. Enfin, le fait que d'autres personnes vivent la même chose, et puis en se regroupant, on découvre qu'il y a un monde qui existe où il y a une place pour nous. C'est quoi, la communauté BER ? La communauté BER, c'est une sorte de sous-communauté de la communauté gay. C'est un groupe, c'est des personnes qui se réunissent et qui présentent des caractéristiques physiques à peu près similaires, notamment ben, des personnes qui sont en surpoids ou poilues, et des gens qui aiment ce type de personnes la plupart du temps. Donc BER, c'est ours en français, et c'est une communauté qui a toujours été assez présente dans la communauté LGBT, mais qui a toujours été un petit peu en marge, parce qu'elle se met elle-même en marge d'une manière. Puisque, comme je disais tout à l'heure, la communauté gay, elle est encore très stéréotypée et parfois elle n'est pas inclusive. Il y a des endroits aujourd'hui, il y a des boîtes gays où si vous êtes gros, vous rentrez pas, etc., etc. Là, en fait, on tombe sur un stéréotype de la communauté gay qui est le mec qui va au body pump, qui est musclé, bronzé, sourire ultra bright, etc. Et donc c'est notamment à Paris par exemple, vous avez l'association Les Ours de Paris, vous avez deux bars BER dans le centre de Paris qui sont des bars où vous allez retrouver des gros PD poilus qui discutent entre eux, qui boivent des coups, qui se rencontrent, éventuellement qui flirtent et ensuite qui vont se marier. Quand on partage un vécu en commun, et notamment quand on partage des discriminations et des stigmatisations en commun, le fait de se retrouver pour en discuter, pour s'émanciper de ça et éventuellement, donc déjà à titre personnel, remonter son estime de soi, déconstruire des choses, et puis éventuellement à titre politique après, s'organiser pour avoir des revendications, pour changer la société, pour qu'elle soit plus inclusive, moi je trouve ça très sain. Et c'est ce qui se passe dans toute démarche communautaire au sens propre du terme, qui parfois irrite le poil en France, mais c'est juste se regrouper entre personnes qui se ressemblent et puis essayer de faire changer les choses pour que ça se passe mieux pour tout le monde. Et petit à petit, à travers la communauté, bah oui, c'est de découvrir qu'on est désirable. Donc on est désiré par des personnes fétichistes qui peuvent être problématiques, mais on est aussi désiré par de belles personnes. On fait de belles rencontres, on rencontre des gens formidables, on vit de beaux moments, etc. Et en fait, ça finit par normaliser ça sur le plan sentimental, en tout cas. Je cherche vraiment un gros nounours, en fait. Dimitri. Mon stéréotype idéal serait grand. Je pourrais dire 1m80, entre 130 et 150 kilos. Donc vraiment un bon gros ventre, des gros bras, des grosses cuisses, une tête ronde. Je le vois barbu, avec des poils, c'est le principe de l'ours. Alors comment est-ce qu'on fait pour rencontrer des hommes comme ça ? Ben, merci Internet. Puis dans certaines grandes villes, il y a des bars, certains bars spécialisés, des fois un, des fois deux, et qui vraiment accueillent tous ceux qu'on peut appeler nounours, chubby pour un gros sans poils, si on veut imaginer la chose. Et après, ben... les rencontres occasionnelles dans la vie qu'on pourrait faire comme n'importe qui. Pour moi, gros, c'est pas forcément... Enfin, c'est même pas du tout le contraire d'un compliment. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut, non, non, au contraire. Enfin, moi, quand je dis à quelqu'un, t'as un peu perdu, je suis un peu triste. Alors que je suis au courant quand même que quelqu'un de gros a ses propres soucis au niveau santé. Donc, je suis bien conscient de ça, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment beau, en fait. Donc, ça me plaît, ça m'attire, et forcément, ben. J'en parle parce que ça fait partie de ma vie, quoi. Aux alentours de mes 10-11 ans, quand on a déjà un peu grandi, on commence à se découvrir, en plus, l'adolescence qui arrive, c'est les débuts. Donc c'est vraiment là où j'ai pu voir que j'étais plus attiré vers les garçons un peu ronds, voire gros. Ne serait-ce qu'à la rentrée de classe, on arrive, enfin moi je connaissais personne. Je voyais déjà deux garçons potentiellement que je trouvais quand même mignons, quoi. Enfin, je me souviens d'un qui avait les joues toutes rouges, les yeux bleus, et il était un peu blondiné, un peu grand, pas très gros, mais un peu potelé, qui avait l'air très timide dans son coin. Après, c'est pas les garçons avec qui je me suis rapproché au cours de l'année. Je me suis rapproché au cours d'un autre garçon qui était entre potelé et rondouillé, vraiment un petit ventre, des petits bras moelleux, c'est le visage net, des petites joues joufflues. Alors le point commun entre ces garçons-là qui vous plaisaient à l'âge de 10 ans, c'est qu'ils sont tous rondouillés. C'est ça, ils étaient tous un petit peu, voire beaucoup en surpoids pour leur âge. Et à force qu'en fait, ma meilleure amie à l'époque me disait « Tu les aimes gros et moches quand même !» Ou ça a fini par me faire tilt dans ma tête. Et d'ailleurs, je me souviens que je m'étais un peu énervé avec elle, lui disant « Écoute, moi ça me blesse que tu dis gros et moche, parce que moi je les trouve vraiment mignons, quoi. Moi je trouve ça beau. » Il y a un côté autant protecteur que imposant, j'avoue dominateur. Physiquement, en tout cas, moi, je trouve ça bien plus beau que quelqu'un de mince. Puis ça fait plus de surface de caresse. J'avoue que c'est agréable de sentir quelqu'un tout contre soi qui peut vraiment nous envelopper, quoi. Quand une main de nounours fait mon visage entier, voire peut-être plus, entre ses bras, je suis vraiment confiné, quoi. J'ai toujours aussi développer un côté protecteur moi-même envers eux. Parce que je sais que j'ai connu beaucoup de gros qui se sentaient au quotidien méprisés, regardés par tout le monde. Enfin, vraiment une sensation désagréable de gêner les gens autour de lui. J'essaye personnellement, même si ça fait un peu peur de sourire à quelqu'un qui fait des fois deux ou trois fois vous, mais j'essaye de sourire à tous les gros que je croise dans la rue. Mignons ou pas mignons forcément, mais au moins qu'ils puissent voir eux des visages joyeux aussi et pas un regard méprisant. Concernant la sexualité, au début j'ai eu un petit peu de mal avec les corps gros parce que quand j'ai connu mon compagnon actuel, Axel, on faisait tous les deux 20 à 25 kilos de moins. Donc moi je l'ai rencontré, il faisait 86 kilos. Aujourd'hui, il oscille entre 100 et parfois 110 kilos, parce qu'il a tendance à faire des grosses variations de poids. Et en fait, son corps a vraiment, vraiment changé, parce que lui, il prend énormément au niveau du ventre. Donc, au début, j'ai eu énormément de mal, parce que j'étais bloquée par ce ventre, même quand on se tient l'un dans les bras de l'autre, en fait, il y avait quelque chose qui nous sépare. Des fois, je le taquine là-dessus, je dis, il y a quelque chose entre nous, là, ça va pas. Et au début, j'ai eu énormément de mal, parce que je le désirais plus, en fait. Ça me dégoûtait, en fait, tout simplement. Parce que pour moi, un homme, c'est voilà, c'est mince, c'est tout ça, mais comme beaucoup de gens. Puis je me suis dit, non, ça va pas, c'est... Moi, j'ai vécu ça d'un compagnon qui m'a rejeté parce que j'avais pris du poids, et je me retrouvais dans cette place-là, de l'autre, qui rejette son conjoint parce qu'il ne lui plaît plus, donc... Et puis, ça m'a horrifiée, en fait, d'être dans cette position. Je voulais pas le faire revivre à quelqu'un. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est lui qui doit changer ou est-ce que c'est moi? Non, mais en fait, c'est moi qui dois changer. Très clairement. Donc, Des corps gros, on n'en voit pas, parce qu'ils se cachent. Mais par contre, il y a une super plateforme qui permet d'en voir, c'est Instagram. Et donc avec le système des hashtags, en fait, on peut tout simplement consulter une série de photos, de vidéos, notamment d'artistes, photographes ou dessinateurs qui ont pour objectif de véhiculer les images de corps gros. Et en fait, il y a des Instagrams magnifiques qui magnifient des corps gros, des corps avec une dizaine de bourrelets, des corps dans l'eau, des corps dans l'herbe, des corps avec des lumières, des corps beaux, en fait, et gros, et d'hommes et de femmes. Et ils ont le droit d'être beaux. Et en fait, à force de bombarder ce type d'image, en fait, en faisant une propagande inversée, ben, ça a changé ma perception sur le corps gros. C'est-à-dire que moi, je me regarde aujourd'hui dans le miroir, ben, j'ai le ventre qui pend, j'ai les seins qui pendent. Je me dis, bah ok, bah, c'est beau. Puis j'ai des vergetures parce que j'ai pris du poids. Bah, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont belles. Puis mon conjoint, à force, bah ouais, mais t'es beau. Puis hier soir, c'est drôle parce que j'allais me coucher, puis je le voyais sur le canapé. Alors il était avachi dans son canapé en slip et son t-shirt, avec le ventre qui dépasse. Puis je l'ai regardé, je lui dis, bah, t'es beau. Puis il me dit, mais comment ça, je suis beau? Je suis pas beau du tout. Je dis, si, t'es beau. T'es sexy, t'as ton ventre, t'es viril, t'as des belles épaules. J'aime bien, quoi. T'es beau. Il m'a dit, merci. C'est vrai. Puis en fait, ça fait du bien de se le dire aussi. De se dire qu'on a le droit d'être beau, c'est chouette. Je me rappelle d'une amie, j'ai assisté à son mariage l'année dernière. Et elle, son problème, c'est qu'elle sortait qu'avec des garçons minces qui la méprisaient. Et dans son école, il y avait un garçon gros. Puis elle me disait, mais tu sais, il est fou de moi, ça se voit, je le sais, il me l'a dit. Mais il est gros. Alors je l'ai pris plusieurs fois de suite chez moi le soir, et puis je lui ai dit, mais enfin, mais qu'est-ce que tu t'en fiches qu'il est gros? Le garçon, il est romantique, enfin voilà, on s'en fiche qu'il soit gros. Enfin voilà, plusieurs fois je lui ai parlé, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Puis un jour, elle a accepté son invitation. Puis je me rappelle, un mois, deux mois plus tard, elle revenait me voir, elle me disait, mais en fait, ouais, en fait, je m'en fous qu'il soit gros. En fait, maintenant je commence à l'aimer, puis je le trouve beau. Je me disais, ben oui, c'est comme ça que ça marche, en fait. Et bien en fait, ben voilà, ils se sont mariés. Ils se sont mariés, puis ils étaient tous les deux magnifiques à la cérémonie. Et ils étaient tous les deux gros. Et ben c'était beau. La plupart des personnes que j'ai rencontrées dans ce documentaire ont subi des régimes. Hypocaloriques, hyperprotéinés, dissociés, hypoglucidiques, avec un échec proche de 100%. C'est aussi ce qui fait communauté. Le sentiment partagé d'avoir été ensemble les victimes de recettes qui ne fonctionnent pas. Ceux avec qui j'en parle me disent tous la même chose. Les régimes, plus jamais. Je rencontre Jean-Philippe Zermati, psychothérapeute et nutritionniste, cofondateur du GRO, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. L'une de leurs priorités, en finir avec le régime. Alors pourquoi suis-je opposé au régime ? Parce qu'on a toutes les études suffisantes pour affirmer que les régimes ne peuvent pas faire maigrir durablement. On a des pertes de poids moyennes autour de 2 ans, 3 ans et au-delà, une reprise de poids avec assez souvent, dans 40% des cas, un rebond pondéral. Donc dans 40%, on a une aggravation du surpoids. On sait tout ça depuis plus de 60 ans. Voilà. Donc il ne peut plus y avoir de discussion sur l'efficacité à moyen terme et à long terme d'un régime. C'est-à-dire que le principe d'un régime, c'est de manger moins en instaurant un contrôle mental. Et c'est ce contrôle que personne n'arrive à tenir dans la durée. C'est physiologiquement quasiment pas faisable. Comment faire pour manger moins sans instaurer ce contrôle? Le comportement alimentaire est contrôlé par différents systèmes. Il y a un système qu'on pourrait appeler un système des besoins, qui envoie des informations sur la faim, sur la satiété, et qui est couplé à un autre système qui, lui, commande les envies de manger. C'est-à-dire que dans le cerveau, les choses vont se passer ainsi. Le cerveau va détecter un besoin, Une fois que le besoin est détecté, il va émettre en quelque sorte une envie de combler le besoin. Et ça, c'est piloté par des systèmes, par des réseaux neurologiques. Bon. Une personne qui grossit, finalement, c'est quelqu'un qui aurait plus d'envie que de besoin. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux systèmes ne communiquent plus entre eux, les envies ne sont plus l'expression des besoins. Et en fait, on sait maintenant, en quelque sorte, réaligner ces deux systèmes, faire en sorte que les envies redeviennent l'expression des besoins. Et en fait, c'est le fait de lutter contre les envies de manger qui détériore tous ces systèmes qui gouvernent les envies de manger. C'est-à-dire que plus vous luttez contre vos envies de manger, plus les envies de manger augmentent. Pour calmer une envie de manger, il faut se demander ce qui se passe au niveau du plaisir. Qu'est-ce qui l'empêche d'éprouver un plaisir capable de faire disparaître cette envie ? Alors, en général, c'est soit qu'elle ne s'est pas autorisée à manger l'aliment que lui réclamait son envie, soit qu'elle n'était pas attentive, c'est-à-dire qu'elle mange son aliment, mais si son cerveau, son attention est ailleurs, c'est comme si elle ne l'avait pas mangé, ou c'est qu'elle n'a pas pu le manger avec ce qu'on pourra appeler un plaisir serein. Quand elle mangera son aliment, elle va ressentir des peurs, des inquiétudes ou de la culpabilité. C'est comme si le plaisir ne fonctionnait pas. Et ça ne permet plus à l'envie de disparaître. Quand une personne mange devant la télévision, elle peut manger 10-15% en plus. Quand elle mange devant un ordinateur, en travaillant, avec une attention encore plus capturée, elle peut manger 20-30-40% en plus. Donc en fait, tous ces facteurs de distraction à l'extérieur sont des facteurs qui vont retarder le rassasiement. Mais les distracteurs les plus dangereux ne se trouvent pas dans votre bureau ou dans votre salon. Ils se trouvent dans votre cerveau. Le plus compliqué, quand une personne qui se contrôle prend son repas, c'est toutes les histoires qu'elle se raconte dans sa tête au sujet du repas. Est-ce que je peux le manger ? Est-ce que c'est du gras ? Est-ce que c'est du sucre ? Combien il y a de calories ? Est-ce que je saurais m'arrêter ? Est-ce que je vais réussir à maigrir ? Et ça va capturer son attention de manière extrêmement puissante et empêcher l'attention de revenir sur les sensations alimentaires. Or, pour qu'il y ait du rassasiement, l'attention doit spécifiquement porter sur les sensations alimentaires. Come get some butter, get some cream, get some fat. Some fat. Get some milk, put some cheese on my bread. Come get some butter, make it happen. Il y a ce qu'on appelle un poids d'équilibre pour chacun. Le poids d'équilibre, c'est le poids qu'une personne pourra maintenir quand elle se nourrira en fonction de ses besoins, ce qui veut dire en fonction, en gros, de sa faim. En retrouvant un comportement alimentaire normal, aligné sur les sensations de faim, elle mange en fonction de ses besoins et le corps va aller, en quelque sorte, atterrir à ce poids d'équilibre. On ne pourra passer sous ce poids d'équilibre qu'en revenant dans le contrôle, donc en revenant dans des choses très désagréable et finalement qui risque de faire remonter le poids. Et ce poids d'équilibre, malheureusement, quand on prend du poids, est susceptible de se dérégler chez certaines personnes. Et de se dérégler énormément, il peut monter dans des zones tout à fait incompatibles avec la santé. On peut avoir un poids d'équilibre parfois à 150 kg. Alors quand ce poids d'équilibre est acceptable d'un point de vue de la santé de la personne, il peut en revanche être différent de la silhouette attendue par la société. Ça nous amène à la question de la norme. Alors, il arrive que ce poids d'équilibre ne soit pas, si je peux dire, à la hauteur des espoirs de la personne et qu'il soit décalé par rapport à ce qu'elle pourrait considérer comme son poids idéal. Et je dirais qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix que l'acceptation du poids d'équilibre. Sinon, la situation s'aggrave. Mais assez souvent, l'acceptation n'est pas un processus simple. Ça demande du travail, un renoncement, un deuil. Et plutôt que renoncement, on essaye de favoriser un engagement, de voir la chose comme un engagement plutôt qu'un renoncement. C'est-à-dire plutôt que de renoncer à quelque chose, essayer de s'engager vers quelque chose. Parce que une fois qu'on accepte son poids d'équilibre, même si c'est pas celui qu'on souhaitait, la vie ne s'arrête pas là. il y a peut-être 4 ans, j'étais persuadée que j'avais toujours été ronde, en fait. Dans ma tête, j'avais toujours été grosse. Et en fin de compte, non. J'ai vraiment commencé à prendre du poids quand ma sœur est décédée. Gaëlle Prudencieux. Pour mes 20 ans, je voulais être mince. Et donc, j'ai décidé de faire un régime à points qu'on connaît très bien. Et j'étais devenue obsédée par les points. C'est-à-dire qu'il y a un capital point qu'on doit manger par jour. Moi, j'avais droit à 26 points. Et par exemple, une raclette, ça éclate complètement ce nombre de points-là. Et je ne vivais qu'à travers ça pendant 6 mois. Donc, j'ai perdu 40 kilos. J'étais mince pour mes 20 ans. Sauf que le pourquoi je mange, il n'était pas traité, en fait. Donc, à peu près 9 mois après, j'avais déjà repris 25 kilos. Comment est-ce que à 17 ans, on peut ne manger que un sachet protéiné de la salade? Je m'endormais en cours parce que j'avais pas d'énergie. Je m'évanouissais. En faisant un régime, une fois, je voulais tellement, pendant ce fameux régime à poids, je voulais tellement maigrir cette semaine-là. Donc, j'avais quasiment rien mangé. Et j'allais faire du sport, j'allais courir. Et en fait, je me suis évanouie dans la rue parce que j'avais plus d'énergie. Et donc, pendant toutes ces années, donc de mes 12 ans jusqu'à mes 20 ans, ma vie ne tournait qu'autour des régimes, qu'autour de mon poids. Mais j'ai appris avec les années que je ne suis pas qu'un corps, que je suis Gaëlle Prudencieux. Quel a été le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, on arrête? J'avais un mariage, en fait, à Dakar. Et j'avais pas de tenue, donc le tailleur, là-bas, on a la tradition d'aller chez le tailleur pour se faire des vêtements. Et donc, le tailleur a cousu une robe pour moi. La robe était magnifique. J'arrive à la maison, je l'essaye. Et 2 minutes après, la fermeture craque. Et là, je suis rentrée dans une espèce de crise d'angoisse avec des larmes, des cris, je tremblais. J'étais mais dans tous mes états parce que j'avais pas de vêtements pour aller à ce mariage. Et qu'encore une fois, je serais pas belle. Tout le monde serait bien et moi j'aurais pas de vêtements. Mais à ce moment-là, je me suis fait la promesse de ne plus jamais galérer pour m'habiller, quel que soit mon poids. Je n'aurai plus jamais de problème pour trouver des vêtements qui me fassent du bien et dans lesquels je n'aurai pas l'impression d'être soit plus grosse que les autres, d'être différente, ou d'avoir à me cacher, en fait. Quand je m'habillais, il fallait que je porte du sombre parce que je suis grosse, il faut qu'on me voit moins. Parce qu'on a cette tendance à vouloir invisibiliser les personnes grosses tout le temps, à se dire « oui, il faut porter du sombre ». Alors là aujourd'hui, vous êtes en rouge. Ouais, je suis en rouge, je porte les cheveux naturels et j'ai un afro. Et ça, c'est vraiment aussi une partie de mon identité. C'est qu'au moment où j'ai découvert ce truc d'apprendre à s'accepter, j'ai aussi appris à accepter la femme noire que je suis, quoi. Mais pourquoi est-ce que je me sens bien dans ma peau aujourd'hui, mais que je continue à prendre du poids? Pourtant, je mange plutôt bien, enfin voilà. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon corps? Et donc, je suis suivie par une endocrinologue pendant plusieurs années. Une endocrinologue qui est absolument merveilleuse parce que la première fois que je suis allée la voir, quand je suis entrée dans son bureau, dans son cabinet, la question qu'elle m'a posée a été « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Sa question n'a pas été « vous venez pour perdre du poids ». Ce qui arrive 9 fois sur 10 quand on va voir un médecin. Et donc, elle me dit « on va aller voir ce qui se passe dans votre tête ». Elle me donne les coordonnées d'une psy. Je vais voir la psy. Il se trouve que je vais la voir 2 semaines avant qu'on ne célèbre les 20 ans du décès de ma sœur. Et elle me demande comment ma sœur est décédée. Et là, je lui dis... qu'elle s'est suicidée. Et donc, pendant toutes ces années, j'ai jamais pu parler de ça, j'ai jamais pu m'exprimer sur le fait que déjà ma sœur me manquait, que j'étais révoltée, en colère par rapport au fait qu'on ne m'a pas dit pourquoi elle est décédée, enfin, ce qui est arrivé. Tout ce tabou qu'il y a autour d'un suicide, en fait. Je suis africaine, donc on n'en parle pas. Et finalement, ça ressurgissait comme ça 20 ans après. Et je pense vraiment que mes problèmes de poids sont liés à ça. Mine de rien, un enfant qui meurt dans une famille, ça prend énormément de place. Et j'ai réellement eu des moments où j'avais l'impression de ne plus exister. Et la seule solution que j'ai trouvée pour ça, bah, c'est de prendre du poids. C'est de prendre de la place, c'est qu'on me voit, et prendre de la place avec mon corps. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à accepter que tout n'est pas perdu d'avance. Ce que je dis toujours, et la façon dont je vis ma vie, c'est que je n'attends pas de perdre du poids pour être heureuse. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous aimez votre corps ou que vous cohabitez ? Oh, moi je l'aime ! Mais je me kiffe ! C'est, c'est juste... Comment expliquer ça ? Comment même raconter ça ? C'est que mon corps, il me porte, mine de rien. Enfin, je pèse quand même plus de 150 kilos. Et je vis dans ce corps-là aujourd'hui. Et à partir du moment où j'ai découvert toutes ces femmes-là qui étaient bien dans leur peau et qui portaient des maillots de bain, et du coup, bah, j'ai commencé à me regarder dans le miroir. Mon miroir, il est là, dans mon salon, en fait. Parce que tout ce que j'aime, c'est de danser toute nue devant mon miroir. C'est de regarder mon corps, de voir comme il bouge. C'est qu'il est vivant, en fait. Avec Gaëlle, Stéphanie, Enzo ou Dimitri, je comprends que les réseaux sociaux ont été essentiels dans la création d'une communauté propre à faire émerger la question des gros comme une question politique. Mais il existe aussi de plus en plus de lieux bien concrets pour se rassembler et faire des choses ensemble. Des clubs de yoga, de danse ou même de twerk. Allez, celles qui sont déjà dans l'eau, on peut commencer à courir le temps que tout le monde arrive. Là, je suis à la piscine, à Belleville, à Paris, dans un créneau horaire réservé aux naïades qui réunit des femmes et des hommes en surpoids. Allez, tout le monde dans l'eau, c'est parti, on accélère un petit peu plus. Et on va partir sur le côté avec les mains en même temps. Hop, on referme. Dites-moi, vous avez un bonnet de bain qui est particulièrement joli. C'était important pour vous d'avoir un bonnet un peu coquet avec une fleur? Ah, vous avez pas vu le précédent, il était complètement en fleurs. Mais c'est important d'avoir quelque chose qui vous plaît. Et de se sentir bien, même si on va pas bien en fait. Comment vous sentez là? Là, c'est les abdos qui travaillent le plus. Parce que en fait, quand je suis en suspension, je peux pas m'appuyer beaucoup sur ma jambe gauche. Un problème d'arthrose, quoi. Alors, je suis obligée de faire avec des frites, mais ça demande plus de concentration et plus de travail d'abdominaux. Alors, vous êtes un petit peu en surpoids ? Oui, oui, carrément en surpoids. Là, on flotte. Surtout avec deux frites, là, on flotte complètement. En fait, l'aquagym, moi, j'ai retrouvé des choses que je faisais plus avant. Pouvoir se baisser sans souffrir. Je crois que la ceinture abdominale, plus dans les bras la force, on arrive à faire plus de choses. On n'a pas notre poids. Ça vous a réconcilié avec votre corps ? Pas complètement, faut pas non plus se leurrer. Hein. Il y a des moments, la glace, on n'aime pas du tout la voir. Les photos, on n'aime pas ça du tout. Mais sans ça, on mène une vie normale, quoi. Et vous, comment vous allez en ce moment ? Moi, je vais bien en ce moment. Malgré un bon diabète, je vais bien. Mais bon, c'est aussi une question de volonté, d'entourage aussi. Parce que si on vous fait toujours sentir que vous êtes gros et malade, ben, vous vous sentez gros et malade. Mais si votre entourage vous dit bah, tout va bien, et ça c'est important, d'être, de ne pas se sentir trop différent. Si on est à l'aise, on fait pointe de pied tendue. Si c'est un petit peu trop dur, on relève la pointe de pied. Pareil, si on est très assez souple, on peut monter la jambe. Si on y a du mal, on fait un plus petit mouvement. Vous voyez. certains jours, quand on entre, elle est froide. Je viens depuis très longtemps. Au début, j'avais l'impression d'être un culbuteau dans l'eau. J'avais aucun équilibre. À nouveau, la confiance en ce que peut faire son corps. On a beau dire que même si on est bien, le vieillissement avec un corps obèse pose des problèmes. Pose des problèmes au niveau articulaire et on finit par en faire de moins en moins, être de plus en plus sédentaire. J'étais allée auparavant dans un club d'aquagym toute personne et j'étais très mal à l'aise par rapport à des jeunes femmes, par rapport à des regards et autres. Et ici, vous avez vu qu'on est très à l'aise dans les vestiaires, qu'on ne se gêne pas, on se déshabille très simplement. Il y a un regard bienveillant de la part de tous. Et je crois que c'est parce qu'on a créé la sensation d'appartenance vraiment à un groupe qui est solidaire. On parle très rarement de nos poids, on parle rarement de régime. On vise avant tout à reprendre une assurance en son propre corps. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé ici. Comment dire ? Oui, d'aimer son propre corps, d'avoir du plaisir à le repousser un peu dans ses limites. Je crois que c'est ça pour moi l'essentiel. Et le surpoids, c'est quelque chose qui est venu avec l'âge ou vous avez toujours connu ça ? C'est une bagarre depuis l'âge de 25 ans, avec comme tous les obèses, des régimes, le yo-yo, des pertes de poids. Mais maintenant, les médecins ont un abord de tout ça qui est beaucoup plus intelligent. On en est à modifier les habitudes alimentaires, travailler sur le psychisme parce que ça a énorme importance dans les comportements alimentaires anormaux, disons. Mais on n'est plus du tout dans l'idée de maigrir à tout prix. On sait qu'on peut maigrir à tout prix. Et vous êtes un peu plus heureuse ? Ah oui, beaucoup plus à l'aise. Vous savez, au niveau vestimentaire, ma génération a fait qu'on trouvait peu de vêtements dans le temps pour les gros. Ça faisait tout de suite mes mères ou autres. Depuis, les choses ont bien changé. Mais on trouve comment être avec son corps, comment s'habiller, comment... Et tout ça participe à ce bien-être. On relâche, allez, le dernier devant. Souvent, je crois que les obèses, on a eu une période dans nos vies où on s'est vraiment oublié. On s'est vraiment oublié et il faut à nouveau s'intéresser à soi. Et où c'est la douche ? Merci. En tout cas, c'était chouette, mais quand même tout jusqu'au bout et avec le sourire. Il y a un truc très dur, c'est la sortie, parce que tout à coup, on a tout le poids en montant l'échelle, on ressent tout le poids. Mais dans l'eau, on est léger. On est très léger. C'était aimer tous les corps. Avec Gaël Prudencio, Stéphanie Zwicky, Enzo Poultrenez, Dimitri, Axel, Philippe Zarmati et les naïades de la piscine Alfred Nakache. Merci à Angélique Mercier, à Gladys et aux naïades et aux participants et participantes du gros festival. Prise de son, Marc Garvenès. Mixage, Claire Levasseur. Une série documentaire de Rémi Libowski-Douat, réalisée par Véronique Samouilov. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Obèse, grosse, rondouillard, replète, gras et maigrichonne, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter en mangeant ce que vous voulez, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, nous prendrons le RER. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, Une vie, une œuvre et L'expérience.